works a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild stab for spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Hey, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés de nous, fait un petit bout qu'on n'était pas là, on a manqué les deux dernières semaines, donc je vous rappelle qu'il est à mes côtés, Monsieur Pierre-Luc Giroux. Comment ça va Pierre-Luc? Ça va très bien et toi? Ah, ça va très très bien. Écoute Pierre-Luc, t'as profité de tes deux semaines, je pense que... Ouais, on a étudié des belles vacances, étudié beaucoup. On en a profité un petit peu pour se relaxer. C'est en plein ça, s'avancer dans nos études. Ouais. Oh, on est étudiant, merci de me le rappeler. Donc, on vous le rappelle pour nous rejoindre en tout temps. Écoutez, on a un site internet, le www.inconduitedepartie.com et en studio, le live, va commercial, inconduitedepartie.com. Cette semaine à l'émission, nous allons parler des activités des Patriotes des deux, trois dernières semaines qu'on a manquées. Veux pas, on va revenir là-dessus un petit peu, alors que les équipes de hockey et de soccer étaient à l'œuvre. En deuxième partie d'émission, Pierre-Luc va nous parler de la saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui avance à bon train, à fond de train, à plate couture. T'as-tu un autre synonyme poche que je pourrais mettre? Ah, je pense que t'es... J'ai fait le tour, hein, ouais, bon. Écoutez, ben tout d'abord, les actualités de la semaine. Alors, cette semaine aux actualités, on va faire un petit peu ça différent. Deux nouvelles ont retenu vraiment mon attention cette semaine. La première, Pierre-Luc, la création de la Ligue collégiale de hockey au Québec. Oui, oui. Un retour vers le passé, si on pourrait dire, parce que il y a déjà eu une Ligue collégiale 3A dans les années 80 au Québec. Tout dans le fond qui était, je me rappelle moi, parce qu'étant Mascoutin, étant de la région de Saint-Hyacinthe, on avait eu un club qui a été champion canadien. Donc tu t'en rappelles? Non, oui, en 1983-84, j'étais très vieux, hein. Tu t'en rappelles, la belle conquête. Écoute, là. En 84, je n'étais qu'un petit morceau dans le ventre de ma mère. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que la Ligue collégiale va être pour des joueurs sans dire qu'ils n'aspirent pas à la Ligue nationale, qui ont peut-être un petit peu moins de chance, un petit peu. Donc, ce qu'ils vont faire, en gros, là, dans le fond, là, tu vas avoir des équipes dans des cégeps ou des collèges, appelons-le comme ça, là, pour les nommer pour les premières équipes qui vont être là pour en 2010-2011. Collège d'Alma, cégep André Laurando, collège Champlain-Saint-Lawrence qui ont eu un club junior 3 jusqu'à tout récemment, puis qui présentement joue aux États-Unis dans une ligue là, avec des équipes de la Nouvelle-Angleterre. Le collège de la Flèche ici même à Trois-Rivières. Collège de la Flèche, oui, on va avoir de l'action là, ici. Ouais, on va pouvoir voir ça. On là, va avoir quelques matchs. Sûrement, j'imagine qu'ils vont jouer au Colisée Claude Mongrain. En tout cas, l'aréna Claude Mongrain qui est à côté, dans le fond, de l'aréna du Colisée de Trois-Rivières. Okay. Je sais que les Titans, dans le temps, dans le Junior 3, jouaient surtout à cette aréna-là. Cégep de Saint-Laurent, qui eux aussi, je pense, ont un club présentement, et le cégep de Sorel-Tracy, dans le fond. Ça, c'est ceux qui vont joindre. Là, ce que je me demande, là, les joueurs qui vont sortir de là qui vont... s'en aller là, on s'entend que ça va pas venir favoriser les universités québécoises et canadiennes. Là. Parce que contrairement à quand tu finis ton junior majeur, tu peux pas aller aux États-Unis. Tu peux pas aller dans un collège américain parce que tu as perdu ton admissibilité là, dans le fond. Tandis qu'avec cette ligue-là, tu vas pouvoir y aller. Donc, tandis que les universités canadiennes ici, ce que ça fait, c'est que quand tu finis ton junior majeur, tu peux quand même y aller. Donc, c'est pas à ton avantage d'aller jouer dans le collégial 3 puis garder ton admissibilité si t'as l'intention d'aller jouer ici même à Trois-Rivières, McGill, Concordia. C'est ça. Donc, à mon avis, ce qu'on veut, c'est une ligue de développement qui va envoyer probablement des joueurs aux États-Unis, là. Ouais, ben c'est un peu dommage, par exemple, pour l'Université du Québec, par exemple, à ce moment-là. Là. Ouais, ben, dommage, ouais, à la limite, mais ça dépend quelle qualité de joueur qu'on va perdre. Tu sais, je veux dire, au début de cette ligue-là, ça va former des joueurs probablement de Division 3, à mon avis, là, un petit peu Division 3 américaine. OK. Tu sais, qui vont vouloir aller aux États-Unis. On s'entend quand tu joues à Division 3, c'est pas la Ligue nationale que tu t'attends à faire, là. C'est pas ton premier but, c'est d'étudier, puis souvent... Étudier, puis jouer au hockey en même temps. Jouer au hockey, parfaire ton anglais. C'est souvent pour ça qu'ils vont s'en aller. Puis, ben, c'est une nouvelle expérience, tandis qu'aller, mettons, ici, tu peux aller à McGill, mais tu sais, on s'entend que, oui, tu fais ton anglais, mais tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est ça. À Montréal, normalement, tu réussis à parler français pas mal partout, là. Non, c'est ça. Ça serait se poser. Donc, ça va être intéressant de suivre ça, voir ce que ça va donner, là, au niveau de cette ligue-là. Dès l'an prochain, là, on va avoir de l'action, là, dans cette ligue-là. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, si on va avoir un bon calibre de compétition. Parce qu'on va en avoir des bons matchs là, juste à côté d'ici, là, comme on a dit au Colisée. Mmh. Mais là, ce que je me demande aussi, c'est au niveau de la Ligue Junior 3A, on parle d'un calibre qui va être relativement similaire au Junior 3A. Ben, le Junior 3A, la Ligue de Junior 3A, le président Richard Morancy a dit que c'était une bonne nouvelle, cette Ligue-là, puis c'était une opportunité de plus pour les joueurs. Mais en tant que tel, là... Lui, ça vient nuire un petit peu à sa ligue, là. C'est tant ça. Qu'à moi, là, il va perdre des joueurs de qualité. Puis le joueur qui allait dans le Junior 3A, mais tu sais, il y en a que c'est des cégeps dans le Junior 3A, mais comme à Granby, que je peux penser que c'est vraiment comme en lien. Mais il y en a d'autres que non. Donc, tant qu'à jouer à, ben là, je sais pas, je peux Plessisville, mettons, là, qui je pense normal, tu sais, une équipe normale seulement. Aussi bien venir jouer à la flèche dans d'étudier. Dans un cégep puis d'étudier en même temps, c'est sûr. Ça va être moi, je pense que Junior 3A, encore là, ils vont garder peut-être un calibre de plus, peut-être, là, que le nouveau collégial. Ouais, au début, mais après 5 ans... Ouais, après 5 ans, ça va peut-être changer. Mais pour l'instant, là, je pense que le Junior 3A va conserver quand même là, les joueurs là, qu'ils ont eu dans les dernières années. Puis je pense qu'encore là, le Junior 3A va avoir un calibre un petit peu plus. Ouais, un petit affaire plus haut. Ouais. Deuxième nouvelle de la semaine, la présentation du UFC 97 en péril. Ceux qui ne le savent pas, les combats ultimes sont régis par la régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, qui est une bande de fonctionnaires, personnellement, qui connaissent malheureusement pas beaucoup de choses au sport. C'est des gens assis sur leur fofoune avec un crayon, puis qui ont probablement jamais vu un combat de boxe ou d'un combat ultime de leur vie, sauf pour certaines personnes. Donc, ça fait exactement... écoute, au Québec, on a eu les combats TKO, les combats UCC, qui étaient différentes ligues. Maintenant, la ligue XMMA, qui commence à débuter dans la région de Montréal. Là, c'est avec Steve Claveau, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui est arrivé, UFC 97, on a déjà eu un événement UFC qui avait été présenté à guichet fermé en quelques heures au Centre Bell. Maintenant, on va en avoir un autre UFC 97, mais tout d'un coup, la régie se réveille, allume et arrive avec l'argument suivant. C'est interdit, selon les règlements au Québec, d'utiliser un coup avec la pointe de ton coude. OK. Et un coup de genou avec la rotule. Sauf que c'est des choses qu'on voit régulièrement dans les combats ultimes, là. Ça s'est vu, là. C'est pas comme si ça avait jamais existé, là. Non. Ça fait une éternité, là, ça se fait, là. Pourquoi là, on allume, là? Pourquoi là, quand on va avoir un événement? À date, là, ils ont 12 000 billets pré-vendus, je pense. Parce que t'as des systèmes avec le UFC que tu peux acheter ton billet à l'avance et tout ça. T'as 12 000 billets pré-vendus. Donc... Tant qu'à moi, là, c'est quoi le niaisage? Montréal perd ses expos. Montréal perd son Grand Prix. Quand on veut organiser un championnat de natation, ben c'est l'enfer puis ça fait des dettes. Pour une fois que t'as de quoi qui marche bien à part le Canadien de Montréal, pourquoi faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre son pied puis dire finalement non, on vient d'allumer que ça marche pas. Ça marche pas, là. Va falloir vraiment comme ce règlement là ça marche pas. Oui, je sais qu'on le laisse passer depuis à peu près 10 ans là, mais là ça marche plus tout d'un coup. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je pense que tu... ça va être intéressant à suivre. Par contre, vraiment, là, au niveau des semaines suivantes, même, on va probablement avoir une émission sur les combats ultimes très bientôt. Si c'est pas la semaine prochaine, ça va être la semaine d'après. On va parler de Georges Saint-Pierre. On va parler de Georges Saint-Pierre. On va parler de l'école Noctogone qui est ici à Trois-Rivières. Ah, d'accord. Qui je savais même pas qu'il y avait une école des combats ultimes. Sur des forges. Puis qui forme des justement des prospects là, des jeunes puis vraiment même un des gars qui est en communication, Jean-Philippe Giroux, qui se bat dans cette ligue là donc ça va être à voir dans les prochaines semaines là. On vous tient ça, on vous tient au courant. Alors, on s'en va en musique avec un groupe québécois qui vient tout juste de lancer leur troisième album intitulé Labyrinthe. Le groupe se distingue là, en faisant, vous les connaissez là, en faisant de la musique francophone qui joue à travers la planète, surtout dans les milieux underground. Voici Malajub avec la chanson Portée disparue sur les ondes de C'est fou 89.1. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Et c'était Malajube avec la chanson Portée disparue. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Jacques Mercier qui ne se calme attention, pas. Attention, attention. Jacques Mercier sort. Arrête, arrête. Laisse-moi une chance. Pauvre Pierre Lambert. Non, mais il l'avait-tu fait la gaffe cette fois-là? La méchante Linda Hébert. Donc, on va maintenant parler des Patriotes. Patriotes hockey, comme j'ai dit tantôt, on a été absents les deux dernières semaines. On va vous résumer un peu ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Les Pats disputaient deux matchs dans la fin de semaine du 30 et 31 janvier. Ils étaient affectés par les blessures, alors que ni Jean-Sébastien Breton, ni le capitaine Mathieu Gravel ont pu revêtir l'uniforme des Trifluviens. Ça ne fut pas une partie de plaisir pour les Patriotes contre Ottawa le vendredi. Ils ont montré beaucoup de caractère en troisième période pour l'emporter par la marque de 5-3, faisant un peu là, sans compter le cinquième but en fin de période. 3 points pour Samuel Bellas, qui représente le tiers de ses points cette saison à ce moment-là. 2 points pour notre chum Nicolas Caouette. Et victoire de Michael Dupont, qui a réalisé 35 arrêts. Les samedis soirs, les Patriots se déplaçaient à Montréal pour affronter les Redmen de McGill. Victoire de McGill en prolongation, malheureusement, par la marque de 4-3. La partie a été très intense alors que 54 minutes de punition totale ont été distribuées par l'arbitre. Les Pats ont perdu un pilier alors qu'Alexandre Demers a été expulsé du match en deuxième période pour une mise en échec par derrière. Pas fin. Donc, avec la blessure de Gravel, le seul joueur restant du Big Three était donc Jonathan Boutin, là, dans le fond. Là. Donc, quand il te manque le 2/3 de ton premier trio, ça fait mal. Victoire de prolongation, après ça a bardé un petit peu après le but qui était compté en prolongation. Jean-Christophe Blanchard, sorti de ses gonds un petit peu, disait qu'il y avait de l'obstruction, ça s'est poussé. Mais bon, personne est décédé. La défaite vers Jean-Christophe Blanchard, mais qui a réalisé 43 arrêts. Étienne Bellavance-Martin a été nommé joueur de la semaine pour cette semaine-là chez les Patriotes. L'étudiant en première année d'administration a inscrit le but gagnant contre Ottawa et le but égalisateur samedi contre McGill. 19 points en 22 rencontres pour Bellavance-Martin. Une belle progression à travers l'année vraiment pour lui. Avec la victoire contre Ottawa, les Patriots se sont assurés d'un 16e titre de la division S de la conférence Ontario University Athletics. Le mercredi suivant, les Patriots se rendaient à Concordia pour affronter les Stingers. C'était une difficile partie pour nos représentants alors qu'ils se sont inclinés par la marque de 4-1. Pas grand chose à dire sur la partie, sauf Sheldon Berg, le gardien des Stingers, qui a connu un fort match avec 36 arrêts. La défaite va à l'affiche de Michael Dupont, qui a été remplacé après avoir accordé les 4 buts des Stingers. 2 jours plus tard, c'était au tour des Redmen de McGill d'être à Trois-Rivières. Et malheureusement pour eux, les Pats ont dû s'incliner par la marque de 4-3. Donc, 2 défaites de fil, ça va pas bien. Le défenseur Tommy Lafontaine a connu un bon match, récoltant 2 points. La partie conclut dans la tumulte, alors qu'un rare combat a éclaté entre André Joannis et Yann Turcotte de McGill. En plus des 2 Billy Gérant, 4 autres joueurs ont reçu des pénalités lors de cette 60e minute de jeu. Donc, vraiment là, à la fin de la partie. Donc, expulsion de match pour Joannis et Turcotte. C'était donc pour la première fois cette saison que les Pats subissaient 2 défaites consécutives. On peut se douter là, que la troupe de Jacques Laporte... on peut se douter que Jacques Laporte n'a pas été tendre avec ses troupes là, après ça. Parce qu'on voulait les voir rebondir dès le lendemain face à Carlton. Et malheureusement pour les Ravens, c'est exactement ce qui est arrivé alors qu'ils se sont fait ramasser par la machine trifluvienne. Devine le pointage, mon Pierre-Luc. Je sais pas. Tu sais pas? 10-1. 10-1? 10-1, la dégelée, toi. Jonathan Boutin a été le héros du match avec une récolte de 2 buts et 4 passes pour un total de 6 points. Le défenseur Louis-Étienne Leblanc a très bien performé lui aussi, amassant 3 points. Et finalement, vendredi dernier, les Patriots terminaient leur saison régulière alors qu'ils visitaient les Stingers de Concordia. C'était le retour dans l'alignement de Mathieu Gravel et de Jean-Sébastien Breton qui avaient manqué les trois dernières semaines, même si je me fourvoie pas. Donc, tu sais, il avait vraiment manqué à l'équipe là, en tant que tel. Gravel, on s'entend que c'est un joueur de premier trio. Breton performe très bien aussi. QTA a dominé la partie avec un 36 lancés au filet contre 23 pour les Stingers. Mais ce sont les Montréalais qui se sont sauvés avec la victoire par la marque de 6-5 en prolongation. Le but de Brad Gager en prolongation à 3 minutes 5. difficile partie pour les gardiens trifluviens ils ont réussi, les deux gardiens ont accordé 3 buts, un a fait 10 arrêts, Jean-Christophe Blanchard, et l'autre a fait 7 arrêts, Michael Dupont. Donc, on a vu mieux de la part des Cerbères trifluviens de la région. Mais bon, écoute, c'est ce qui conclut la saison des Patriotes hockey pour cette année. Je pense que c'est quand même un bon résultat. L'équipe se classe 5e au niveau canadien, après avoir frôlé le premier rang si longtemps. Mais je regardais le classement un petit peu, là, puis UNB, qui est l'Université du Nouveau-Brunswick, qui a fini premier, a exactement la même fiche que les Patriotes. Donc, je pense que si on échappait peut-être un match de moins ou deux matchs de moins dans la saison, on finissait premier là, sans aucun doute. Les joueurs disposeront d'une pause de 10 jours pour se reposer, vu qu'on a ce qu'on appelle un bail, une passe droite pour le premier rang. 10 jours de congé, ce qui fait pas l'affaire de Jacques Laporte, le coach. Il aurait aimé ça faire... Les gars reviennent des blessures, qui reviennent de blessures. Il aurait aimé ça les faire pratiquer, les faire patiner un peu en situation de jeu. Ouais, ben c'est sûr, ça. Mais bon, on va travailler en gymnase, on va travailler au niveau tactique, on va travailler sur au niveau de la glace. Au classement, dans la division S de la conférence Ontario University Athletics, UQTR est premier après les 28 matchs. Là, tout le monde a disputé 28 matchs. Premier au classement avec 45 points, suivi de McGill avec 38. McGill a une belle fin de saison pour McGill, là, qui ont eu beaucoup de misère en début de saison. Je pense qu'ils étaient 0-4 après les 4 premiers matchs. Donc, très beau retour pour eux. Ils vont être à surveiller. Concordia finit 3e avec 34 points, suivi de Carleton et Ottawa. Dans la conférence Mid-East, Toronto récolte 30 points. Donc, Toronto est classé au même niveau que Carleton, qui est classé 4e. Celle qui a fini premier dans l'autre division aurait fini 4e, voire peut-être 3e dans la division Est. Pas 3e, 5e dans la division Est. Désolé. C'est là que tu vois, c'était mal balancé. Ben, ouais, ben ça dépend à force hein, tout le temps là, au niveau des... Sauf que ça, tu peux pas changer ça en deux temps, trois mouvements. C'est une question de région. Hein. Et Queens finit 2e, donc ils accèdent eux aussi aux séries. Pendant des séries, quatre duels vont se mettre en branle à partir de mercredi. Les Redmen de McGill affronteront les GGs d'Ottawa à Montréal, alors que les Stingers de Concordia se mesureront aux Ravens de Carleton, l'autre côté de la ville, donc encore à Montréal, dans la conférence S. Queens, RMC et Ryerson sont éliminés. Je m'excuse, j'avais dit Queens faisait les séries, c'est pas vrai, ils font pas les séries. Mon erreur. Dans la conférence de l'Ouest, Western se mesurera à Guelph et Waterloo à Lakehead. Brock, UIT et Windsor sont éliminés. Lakehead, ben pour eux autres, sont assurés de participer au championnat national parce qu'ils sont les autres de la compétition. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système, c'est un peu comme la Coupe Memorial, la Coupe Haute. L'équipe Haute va vraiment reçoit dans le fond tout le monde. Donc, participe, veut pas au tournoi. Question d'avoir un peu de monde dans les estrades. Pointage final, au niveau final, bon ben Marc Anco est championnat des marqueurs cette année dans la Ligue. Jonathan Boutin finit au 4e rang avec 51 points en 28 matchs. Et on va parler un peu de soccer. Les Patriotes féminines et masculines recevaient Concordia. Ils en ont profité pour inscrire leur première victoire. Victoire de 3-2 pour les filles. Jessica Lavallée, 2 buts. Et victoire de 2-0 pour les hommes. Justin Tapsoda, Pierre-Charles Lahaie. Buteur. Donc c'est ça, on lâche pas les filles, ça regarde bien les filles, les gars, pour une présence ça en série. Un peu, là, les filles, hein? Ben les filles, les gars, ça, là, va pas mal mieux. Ouais. Là, ça commence à vraiment là, avoir une belle chimie, là, se trouver sur le terrain. Jessica Lavallée, joueuse de deuxième année pour les Patriotes, est nommée joueuse de la semaine. Elle a inscrit 2 buts, comme j'ai dit précédemment, contre Concordia. Félicitations à l'athlète qui étudie en éducation physique. Donc, on va passer à une pause, au retour de la pause. Pierre-Luc, OK Junior, je pense que tu as du stock en masse à nous parler. Oui, oui, on a beaucoup de trucs. On a beaucoup de trucs, donc on vous revient dans 2 petites minutes. C'est tout.ca, c'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités quotidiennes et les spectacles à voir absolument. C'est tout.ca, c'est le palmarès, des concours, un forum. C'est tout.ca, c'est le site de Radio Universitaire, vous pouvez visiter de la francophonie. C'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne, partout sur la planète. C'est tout ça, c'est tout ça. Une présentation de beauté pour le monde. Vous les attendiez. Ils sont de retour pour la 5e année. Ils vont vous en mettre plein les yeux. Le 26 février prochain, sur les planches du théâtre du Cégep de Trois-Rivières,

Il est présentement 10h36, bientôt 37. Il fait un beau moins 7 degrés sur Trois-Rivières. Préparez-vous, il annonce une belle bordée de neige. Parfait pour les skieurs comme moi. On va pouvoir sortir nos skis, nos snows. Sortez pas vos snowblades, c'est dangereux. Ducharme, Giroux, à vos côtés. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps au live en commercial inconduitedeparti.com, www.inconduitedeparti.com. Pierre-Luc, junior majeur. Oui, junior majeur. Ben, premièrement, avant de parler du junior majeur, vas-y. Juste un petit mot pour dire qu'en ce moment, à Québec, c'est le 50e tournoi international de hockey Pee-wee. Mm-hmm. Donc, il y a extrêmement beaucoup de touristes. Il y a beaucoup d'équipes de hockey qui sont à Québec en ce moment. On a beaucoup de matchs. C'est sûr, c'est au niveau Pee-wee. Mais vous le savez tous, on commence tous par là. Donc, on a vu passer extrêmement beaucoup de très bons joueurs qui font aujourd'hui la Ligue nationale, qui sont venus au tournoi. Donc, en ce moment, le tournoi est en train de se passer. Donc, j'ai vérifié un peu les équipes là, de la Mauricie. Qu'est-ce qui se passait de ce côté-là? Vas-y. On avait deux équipes dans la classe 2A. Donc, tout d'abord, on avait les Cataractes de Shawinigan qui représentent vraiment les Cataractes qui sont allés au tournoi Pee-wee, qui ont perdu malheureusement leur premier match au Colisée Pepsi par la marque de 3-2 contre l'Océanique de Rimouski. Mais heureusement, deuxième match, on est allé à l'Arpidrome et les Cataractes l'ont emporté 3-1 contre la troupe de Zurich. Donc ça s'était présenté ce lundi. Donc leur prochain match, là, les Cataractes joueront toujours à l'Arpidrome parce que bien sûr, quand on perd le premier match, à l'Arpidrome, à Charlebourg. C'est un aréna. Donc toutes les fois qu'on perd le premier match, à ce moment-là, on s'en va comme du côté des perdants à l'Arpidrome. Donc si on gagne là, vraiment le tournoi des perdants, à la fin, on retourne le dimanche matin en finale. Donc, au Colisée Pepsi. Ah ouais. Donc, les Cataractes sont encore en vie en ce moment. Donc, ils affronteront aujourd'hui là, à 4h15 l'Avalanche du Colorado. Donc, allez-y. Allez-y à aller encourager les Cataractes. Là, c'est vraiment le fun d'entendre les noms d'équipe, là, vraiment. Là. Mais... moi, je suis habitué, je te dirais. Puis, on avait aussi les Cataractes de Mauricie, eux qui sont éliminés, malheureusement, qui ont perdu leur premier match contre Lanaudière par 5-2 jeudi dernier. Et ils ont perdu leur deuxième match à l'Arpidrome contre les Kings de Los Angeles, 3-1. OK. Moi, je vais d'une prédiction. Je mets un vieux 2 sur On Est Baked. Ah ouais, On Est Baked, ils sont maintenant les Detroit Red Wings. Ah, ils s'appellent les On Est Baked, ils s'appellent Detroit Red Wings cette année? C'est une bonne question, ça. On pourrait vérifier. Mais en tout cas, On Est Baked, d'habitude, c'est pas mal une des grosses équipes. Ça ou Detroit Computer. D'habitude, c'est les deux équipes. Ben, Detroit Red Wings, là, en ce moment, qui sont rendus déjà là, à quart de finale. OK. Donc, ça pourrait être une des équipes qui serait pas prête. Mais on a toujours des surprises. Hein, mais ça, c'est deux programmes. C'est deux programmes ridicules. Les gens, le monde, mettons, de la Californie, déménagent à Detroit juste pour que leurs enfants puissent jouer dans ce programme-là. Ça, mais avant ça, on avait les équipes de Toronto qui étaient extrêmement forts. Mm-hmm. Depuis je ne sais pas combien d'années, je pense que c'est 4-5 ans, les équipes de Toronto ne viennent plus au tournoi Pee-wee. Uh-huh. Est-ce que tu sais pourquoi, Nicole? Non. Non, parce que eux, ils voulaient vraiment apporter, exemple, là, mettons, 6 équipes au tournoi Pee-wee international de Pee-wee de Québec. Et Patrick Dhomme, le celui qui s'occupe, dans le fond, du tournoi, avait mis un maximum, exemple, de 4. Okay. Puis, dans le fond, les personnes à Toronto, ils ont tout simplement pas accepté la décision, donc ils ont décidé qu'ils allaient retirer toutes leurs équipes du tournoi Pee-wee. Donc, ça fait environ 4-5 ans là, qu'on n'a plus d'équipe de Toronto à Québec. Bon, ben, je vois que les équipes mineures de Toronto sont aussi stupides que les équipes de la Ligue nationale. C'est vraiment stupide. Écoute, eux autres, il faudrait toutes les avoir, hein, mais ça marche pas comme ça. Non, écoute. Le nombre d'équipes qu'on a là, à Québec, là, ça vient d'un petit peu tous les pays, donc je pense qu'à un moment donné, Toronto. Ben ouais. Puis un banné. Il n'y a pas juste ça. Qui veut vraiment représenter les Maple Leafs de Toronto? Personne veut faire ça. Alors, donc, junior majeur? On va parler maintenant du junior majeur parce que, et oui, mon Nick, la saison dans la Ligue junior majeure du Québec s'achève de plus en plus. Il reste moins qu'un mois à la saison 2008-2009, ce qui est environ, là, je te dirais, 10 parties par équipe. Donc, on va commencer à avoir de plus en plus à quoi va ressembler la première ronde des séries. On va en reparler plus tard parce que tout d'abord, on va parler des matchs de la dernière semaine par les équipes de notre région. Tout d'abord, avant d'entamer leur voyage dans les Maritimes, les Cataractes avaient deux matchs à l'amphithéâtre de Shawinigan alors qu'ils recevaient les deux pires équipes de la Ligue. En premier lieu, ce vendredi, les Maniacs qui occupent le 17e rang Et samedi, les Moussets qui sont au 18e rang. Donc vendredi, les Cataractes ont foutu une vraie raclée aux Maniacs en l'emportant facilement par la marque de 9-2. Philippe Paradis a été la grande vedette du match avec 3 buts et 2 passes. Le capitaine Simon Lacroix et son assistant Cédric Lalonde-McNicol ont chacun récolté 3 points et Mathieu Pistilli a pour sa part marqué 2 buts. C'est le deuxième gardien des Maniacs, Adrien Lemay, qui a goûté à la médecine des Cats alors qu'il a fait face à 43 lancés et qui n'a même pas été remplacé par son entraîneur. Pauvre lui, il mérite une belle dégelée de 9-2. Cette victoire, les Cats ont encore démontré pourquoi ils étaient les premiers de la Ligue au niveau des unités spéciales, alors qu'ils ont compté 4 fois sur une possibilité de 7. Ensuite, samedi, c'est au tour des Moussets de se rendre à Shawinigan pour affronter les puissants Cataractes, et ils n'ont pu faire guère mieux, s'inclinant à leur tour par la marque de 6-2. Les Cataractes ont encore une fois été à la hauteur des attentes, eux qui remportaient une 4e victoire de suite. Le joueur de la partie a été sans contre-doute Pierre-Alexandre Vandal, qui a récolté 4 buts avec 2 buts et 2 passes. 4 points, excusez-moi. Nicolas Peterson a marqué lui aussi 2 buts. C'est Timo Pallmeyer qui était devant les buts pour les Cataractes alors qu'il remportait sa 26e victoire de la saison. Et hier soir, les Cataractes entamaient leur voyage de 5 matchs à l'étranger alors qu'ils se rendraient au centre Kissy Irving pour affronter le Titan de la Caddy Batters. Et les Cats ont continué leur bonne séquence, défaisant le Titan par la marque de 4-2. Les Cataractes continuent donc leur voyage dans les Maritimes cette semaine, alors qu'ils se rendront au Cap-Breton demain, à Halifax samedi, et ils termineront le voyage ce dimanche pour y affronter les dangereux Wildcats à Moncton. On va maintenant parler des Voltigeurs, qui eux aussi avaient un voyage dans les Maritimes la semaine dernière. Mardi dernier, les Voltigeurs ont battu les Wildcats difficilement par la marque de 3-2 dans un match très serré, puisque les Voltigeurs ont compté le but gagnant alors qu'il ne restait moins que 4 minutes au cadran. Dans cette partie, les Voltigeurs remportaient une 43e victoire cette saison et un 89e point au classement, ce qui établissait 2 nouveaux records d'équipe dans la même partie. De plus, Yannick Rindeau récoltait un 100e point cette saison, lui qui est le premier joueur de la saison à effectuer cet exploit. Je pense que Rindeau est en train de dépasser. Là, il ne se fera plus rattraper au niveau des classements. Non, c'est, Vandal est rendu un peu loin. Puis c'est qui est deuxième? C'est un autre joueur de Drummondville, ouais, si je ne me trompe pas. Lalonde McNicol qui est pas loin aussi. OK. Puis, ouais, j'ai dit Vandal, excuse, Lalonde McNicol. Vandal ouais. est un petit peu plus loin. Ouais. Donc non, je pense qu'il y en a rien d'autre là, c'est pas mal fini, fini là, pour hein? la course au à moins d'une blessure là. Ouais, à moins d'une blessure, ouais. mais je pense pas que on n'espérera pas que ça arrive en tout cas sauf, pour les sauf si on est fan des Cataractes. Sauf si on est fan des Cataractes. Le lendemain, les Voltigeurs étaient à l'île du Prince-Édouard pour y affronter le Rocket et ils ont été expéditifs alors qu'ils l'ont emporté facilement par la marque de 10-3. Yannick Riendo encore connu un fort match, alors qu'il a amassé 2 buts et 1 passe. Patrick Brokop a été celui qui a récolté le plus de points, avec 4, dont 3 buts et 1 passe. Puis, ce vendredi, il se rendait au Cap-Breton pour affronter Mario Durocher et ses Screaming Eagles. Les Voltigeurs ont fait subir un autre dégelé, alors qu'ils l'ont emporté par la marque de 10-3. Charles Couturier a récolté 4 points dans la victoire. Yannick Riendeau a pour sa part marqué 2 buts et Mike Hoffman a aussi été très productif avec 3 points. Question pour toi, je vais pas te couper là, mais Riendeau, est-ce qu'il est, sais-tu, il est-tu repêché dans les Non, il est pas repêché, c'est ça lui, il serait peut-être dans ceux là qui pourraient. C'est-tu un 20 ans? Oui. Ok, fait que il va avoir un try-out peut-être pro, mais Peut-être qu'il va avoir, c'est ça, il va se faire inviter par une équipe dans un camp de sélection quelconque. Ouais, là. Mais ouais, c'est sa dernière chance de se faire valoir là, aux équipes. En tout cas, il travaille fort. En tout cas, il me rappelle Simon Gamache. Cette victoire-là a permis donc aux Voltigeurs de fracasser un autre record avec l'équipe qui a connu la meilleure amélioration du total de points d'une saison à l'autre, avec une récolte de 60 points de plus que l'an dernier. Et hier, les Voltigeurs revenaient à la maison pour recevoir les Tigres de Victoriaville. Les Volts ont donc emporté une 8e victoire de suite, leur 46e de la saison, alors qu'ils ont disposé des Tigres par la marque de 3-2. Le gardien des Tigres, Antoine Tardif, a très bien fait, réalisant 41 arrêts. C'est d'ailleurs lui là qui a pas mal tenu son équipe pendant tout le match. Ouais. Les Voltigeurs prendront alors la route de l'Abitibi cette fin de semaine pour affronter les Foreurs jeudi et les Huskies vendredi avant de revenir au Centre Marcel Dionne dimanche pour un duel très attendu face à l'Océanique qui ne perdent pas beaucoup là, non, dans les temps qui courent, eux qui en sont rendus en ce moment là, à 11 victoires de suite. OK, je voulais savoir... tu m'avais dit l'acquisition, le gardien que Drummondville a été cherché, Marco Cousineau. Oui. Ça donne quoi à date là? Ça va bien. Ouais, je pense que c'est en série que je te disais qu'on avait de la merde des fois avec ce gardien là. À Bécomo, des fois on a eu quelques flops. Ouais. On espère là que comme gardien de 20 ans, il va être capable de livrer la marchandise. Mais Antoine Tardif encore là, garde. Ouais, il est capable. Ben, c'est ça, il est capable aussi là de jouer des bons matchs. On avait parlé qu'il était supposé d'être un bon gardien, qu'il était mais je pense que son seul fait d'âme, c'est qu'il a compté un but dans la Ligue junior majeure du Québec. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est la seule bonne affaire qu'il a faite. Il y a quand même deux bons gardiens, là, du côté des Voltigeurs. Fait qu'en série éliminatoire, s'il y en a un qui va pas bien, on met l'autre. Puis je pense qu'il y aura pas de problème de ce côté-là. Je pense que c'est le meilleur duo de gardiens, là, dans la Ligue en ce moment. OK, parfait. Pour ce qui est des Tigres maintenant, on va parler rapidement des Tigres. Ils étaient au Colisée de Jardin la semaine passée alors qu'ils recevaient dans un premier temps les Huskies samedi dernier. Et Sergei Obstachuk s'est personnellement occupé du cas des Tigres alors qu'il a marqué 4 buts en route vers une victoire de 7-2 des Huskies sur les Tigres. Puis dimanche, les Tigres recevaient la visite des Mooseheads d'Halifax. Les Tigres étaient sur le point de l'échapper, mais Alexandre Labonté a créé l'égalité alors qu'il ne restait que 45 secondes à la partie. Les Mooseheads l'ont toutefois emporté en fusillade par la marque de 5-4, mais les Tigres peuvent se compter chanceux d'avoir ramassé un point dans ce match. Et comme on l'a dit plus tôt, ils se sont inclinés hier par la marque de 3-2 devant les Voltigeurs. Donc les Tigres pourront se reprendre cette semaine. C'est quand même une semaine très tranquille alors que leur prochain match, c'est seulement dimanche, alors qu'ils se rendront à Lewiston pour y affronter les pauvres Maniacs. Comme je l'ai dit plus tôt, Nick, la saison tire à sa fin. Donc, on commence à voir de plus en plus à quoi va ressembler la première ronde des séries éliminatoires. On va faire un petit tour là pour voir qu'est-ce qui nous attend dans les séries d'après-saison. Tout d'abord, on va commencer dans la division TELUS Centre, celle qui nous intéresse le plus. Premièrement, est-ce que tu sais, Nicolas, comment fonctionne pour les séries éliminatoires pour la première ronde des séries? Ben moi, je le sais, mais j'aimerais ça que tu l'expliques pour le bénéfice de nos spectateurs. OK, donc je t'explique comment ça fonctionne. Pas spectateur, auditeur. Comment ça fonctionne les séries éliminatoires du côté de la Ligue junior majeure du Québec? Première ronde, on va faire vraiment des séries interdivision. Donc, comment ça fonctionne? La première équipe affronte la quatrième de la division, la deuxième contre la troisième. Ça, c'est dans les quatre divisions. Puis ensuite de ça, vu que l'équipe des Maritimes sont comme 6 équipes, les autres sont toutes 4 équipes. Donc, il y a toujours 2 équipes qui sont éliminées des séries, le 17e et le 18e rang. Donc, si jamais, exemple, c'est une équipe de la TELUS Centre, mettons, qui se font éliminer, à ce moment-là, la première équipe va affronter la dernière, la cinquième, dans le fond, des Maritimes. Okay. Donc, à ce moment-là, ça leur permettrait d'affronter comme la dernière équipe Un transfert de conférence. C'est ça. Puis à ce moment-là, c'est vraiment la deuxième ronde là, qu'on commence à avoir des matchs interdivision. Donc, là, c'est vraiment là que ça commence 1 contre 8, 2 contre 7, etc., etc. Tu veux dire intradivision pour la première ronde. Intradivision, okay, c'est ça. Bon. Donc, c'était vraiment la deuxième ronde là, que ça va jouer entre les autres divisions. Donc, comme on a dit, on va parler de la section TELUS Centre, celle qui nous intéresse le plus. Les Voltigeurs sont pour l'instant quelque peu en avant des Cataractes au premier rang. Mais rien n'est encore joué entre les deux équipes puisque seulement 3 points les séparent au classement. J'ai regardé les parties restantes là pour les deux équipes et les Voltigeurs ont un calendrier beaucoup plus favorable alors qu'ils auront affronté 3 équipes de tête tandis que les Cataractes en auront 6. Ce qui voudrait donc dire que la première ronde des séries opposerait inévitablement 2 grands rivaux de longue date entre les Tigres de Victoriaville et les Cataractes de Shawinigan. Je crois sincèrement là que ça serait une excellente série parce qu'il faut pas compter les Tigres battus avec des joueurs comme Maxime Tanguay et les recrues Andrew Nestracil et Olivier Hintz. Les Cataractes ne pourront, d'après moi, pas prendre cette série à la légère puisque les Tigres pourraient vraiment les surprendre. Donc, ça serait vraiment intéressant là, d'avoir une série entre ces deux équipes-là. Pour ce qui est des Voltigeurs, on est loin de savoir qui sera leur opposant en première ronde des séries, parce que comme on l'a dit en ce moment, les Maniacs bataillent pour une place en série éliminatoire, eux qui sont présentement au 17e rang et à un point du 16e et dernier rang qui donne accès aux séries de fin de saison. Donc, les Voltigeurs devraient donc affronter soit les Maniacs s'ils réussissent à se qualifier, ou une équipe des Maritimes, comme on l'a dit plus tôt, là, qui devrait être normalement le Rocket de l'île du Prince-Édouard, qui l'ont d'ailleurs battu là, par la marque de 10-3 là, la semaine dernière. Oh, monsieur Rock, un transfert de conférence va venir changer quelque chose au portrait des séries. Là. Non, c'est sûr. C'est plutôt rare. On va regarder maintenant dans la section TELUS S. C'est probablement celle dont on sait le plus à quoi s'attendre en première ronde des séries. C'est presque assuré que les hôtes de la Coupe Memorial, l'Océanique de Rimouski, affronteront les Saguenayens de Chicoutimi en première ronde. À voir comment l'Océanique joue dans les temps qui courent, la troupe de Richard Martel devra trimer dur pour renverser le bateau qu'est l'Océanique. Ouais. Belle métaphore, j'aime belle ça. Belle métaphore, oh! Écoute, on a travaillé fort. Tu t'es couché tard hier soir. Ça va être ça. Donc, pour ce qui est de Patrick Roy et de ses remparts, il devra affronter le Drakkar de Baie-Comeau en première ronde des séries. Le Drakkar, cette année, est une équipe qui a donné beaucoup de fil à retordre dans des matchs face aux remparts. Donc, je pense que les remparts là, devront travailler fort là, s'ils veulent déjà passer la première ronde des séries. Mais, comme j'ai dit, il n'y a rien de sûr, puisque les Drakkar n'est qu'à un seul point de se ramasser au 17e rang, ce qui les exclurait des séries. Donc, les remparts devraient affronter le Rocket de l'île. Le Rocket dans ce cas-là. Maintenant, on va parler du côté de la section TELUS Ouest, alors que les Olympiques ont carrément pris le contrôle, eux qui ont maintenant un avantage de 9 points sur les Huskies de Rouyn-Noranda. Je sais pas si tu te rappelles, quand on est revenu de la semaine de relâche, on avait fait un petit debriefing de qu'est-ce qui se passait. Ouais. L'égalité était créée entre les juniors, les Olympiques et les Huskies. Ça a changé. Ça a changé. Les Olympiques ne perdent presque plus. Donc, on voit tout de suite là, que les Olympiques ont un léger avantage. Paul Byron. Tu veux l'avantage, je viens de le nommer. Là. C'est ça. Donc, la première ronde des séries opposerait donc tout d'abord les Huskies de Rouyn-Noranda et le Junior de Montréal. Une série qui va promettre, puisqu'il n'y a seulement que 2 points qui séparent les deux équipes au classement. On se bat donc en ce moment pour l'avantage de la glace. Et cela pourrait se décider dans les derniers matchs de la saison, alors qu'ils s'affronteront dans l'avant-dernière partie de leur calendrier. Pour ce qui est des Foreurs qui occupaient le dernier rang depuis le début de la saison, ils connaissent maintenant de très très bons moments, alors qu'ils sont maintenant au 15e rang et pour l'instant, ils font partie des séries éliminatoires. Donc, ils devraient faire face là, aux Olympiques de Gatineau en première ronde, ce qui serait d'après moi une autre très bonne série. Donc déjà, dès la première ronde, là, on va avoir beaucoup d'action. Des bons duels. Yes. On regarde enfin du côté des Maritimes, une série qui est presque assurée. S'opposerait les Wildcats de Moncton aux Titans de Cadiz Batters. L'autre série opposerait les Screaming Eagles du Cap-Breton, qui est l'équipe Cendrillon de cette année, qui ferait face aux Sea Dogs de Saint-John, qui est probablement aussi l'équipe là, la plus décevante de la saison. Donc, pourrait donc avoir lieu à une surprise dès la première ronde, Nicolas. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une surprise dès la première ronde? Du hockey de série, c'est pas comme du hockey de saison. C'est ça. Ça prend des guts, ça prend des cojones, comme on dit. Ça prend une barbe. Ouais, ça prend une longue barbe. Ça prend une barbe, les cheveux bleachés. Faut qu'elle soit longue. Non, mais ça prend de l'intensité, puis c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. C'est en plein ça. Hein? Moi aussi, je peux en faire des belles métaphores. Donc, la première ronde des séries, donc comme j'ai dit, pour avoir des surprises, mais encore là, si tout se déroule bien, on pourrait regarder encore un petit peu plus loin, mon Nick, en regardant en deuxième ronde. Déjà, dès la deuxième ronde, on pourrait avoir droit à de très bons duels, puisque l'Océanique, avec la mauvaise séquence qu'ils ont eue pendant les fêtes, se retrouve au 6e rang du classement général. Donc, dès la seconde série, ils devront se frotter à de très grosses équipes qui pourraient être soit les Wildcats ou soit les Remparts. Donc, c'est là que ça va commencer à être pas mal intéressant. Dès la deuxième ronde, là, on va avoir droit à de bonnes séries éliminatoires. J'en suis certain. Ah, mais il y a encore gros du stock qui peut arriver d'ici là. Là comme on dit, 10 parties, c'est 10 parties. Ouais, c'est ça. Je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. Ben, ça m'en fait plaisir. On va conclure avec le calendrier de la semaine. Donc, chez les Patriotes, comme on a dit, au hockey, on est en congé. Natation, par contre, championnat canadien. Donc, grosse compétition pour les Pats. Ça va se tenir à l'université UBC à Vancouver. Jennifer Carroll va terminer sa carrière universitaire avec une 5e participation au championnat universitaire canadien de natation, alors qu'elle sera la seule représentante des Patriots à UBC. Donc, quand je disais pour les Patriots, je dis bien sûr pour Jennifer. En 4 participations au championnat national, Jennifer a remporté 15 médailles, 11 d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. Wow. En plus de détenir 2 records du SIC, soit aux 50 mètres d'eau établi en 2005 et aux 50 mètres papillon avec un temps de 27.02 en 2008. Pierre-Luc, Junior. Hockey Junior, seulement un match cette semaine est présenté dans les régions du centre du Québec. Donc, un gros match, par exemple, ouais. L'Océanique de Rimouski, qui sera les visiteurs au centre Marcel Dionne pour y affronter les Voltigeurs de l'Automobile. Ça se passe ce dimanche à 16h. Ben merci beaucoup. On vous remercie d'avoir été là cette semaine. Donc, pour nous rejoindre en studio tout le temps avec nous, inconduitedepartie.com. On se laisse en musique avec du vieux Overbass. Voici Éviter d'inhaler. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Éviter d'inhaler. Me créer une dépendance. Éviter, éviter, je pense que me trouve.